Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. Happy people. Galaxy Sound System, émission spéciale. On s'approche tout doucement des 15h30 avec une émission depuis 10h ce matin et un ensemble de DJ. Et à l'instant, en platine, c'était Mister Nicolas que tu retrouves le mardi soir dans son concept d'émission Trip in Progress de 21h à 23h. Galaxy 95.3. Et justement, Nicolas, on le retrouve. Ça va, Nico ? Ça va, impec. En pleine forme ? Ben oui. Bon, écoute, merci d'être passé, c'était gentil. Je te remercie pour l'invitation. Alors, dans le désordre, t'as passé quoi comme morceau ? Je vais faire ça dans l'ordre. Il me fait chier. Il est bavard, le pépère. Vincent Demour, tu m'as dit tout à l'heure avec Chamou. Ça, c'était le deuxième morceau. C'était le remix de Armin van Buuren du titre Chamou, sur Deal Records. Le premier, c'était Rank One avec le titre Airwave. Ouais, et grand là, classique. À l'instant, c'était Vera Cocha avec Carte Blanche. Bon, Nico, t'as de l'actu en ce moment ? Non. Ton émission. Super. Bon, au revoir, Nico. Voilà, allez, à plus. Hein. Non, on se retrouve au moins tous les mardis soirs. Ouais, voilà, tous les mardis, mon émission hebdo à 21h, Trip in Progress. C'était rétro, hein, on a fait les poussières, mais sinon c'est orienté nouveauté en trance et progressive. Trance et progressive, t'as un MySpace ou un site toi Nico ? www.myspace.com/tripinprogress. Tripinprogress, on peut t'envoyer des petits mails, notamment dans la playlist. T'es l'un des rares DJ à partager ta playlist toutes les semaines. Mais oui, il y a de la demande, alors faut le faire. Ça peut toujours aider, donc j'encourage ceux qui le font pas à le faire. Hein. Bon, ouais. Petit message. Et sinon, sur le forum de la radio, également toutes les semaines, il y a mon tracklisting. Nickel. Et un petit clin d'œil, tu sais à qui ? À Guigui, Guillaume. Ouais, qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Je sais pas. Là, il est chez lui, il fait de la muscu. Ouais, sans doute. Guillaume, quand il est pas à la radio, il soulève des haltères. Mais oui, gros sac, on se voit mardi donc. Gros sac, tu le vois mardi parce que mardi. Ah ouais, c'est t'enchaînes juste après lui. Voilà, c'est ça. Avec toujours ta petite blague du mardi soir. Vous êtes calme. Sérieux maintenant, voilà, on a épuisé le stock. Bon, Nico, merci d'être passé. On te retrouve donc mardi prochain à partir de 21h pour un autre Trip in Progress. Sinon, voilà, c'est sur internet. myspace.com/Trip in Progress pour être en contact avec Nico sur internet. Nico, merci. Et à bientôt. À la prochaine, Jérémy, et merci pour tout ce que tu as fait. Ouais, c'est gentil. Allez, tout de suite, on enchaîne avec un autre DJ. Place à Jérôme B au platine. Connie, tout va bien ? Tout va bien toi ? Bah non, mais très bien, moi tout va bien. Bon. Je suis la journée avec très grande attention. Bah, voilà, Connie qui assure la gestion technique de l'émission. Jean-Paul Olivier aujourd'hui de la radio. Jean-Paul Olivier de la radio qui assure la gestion technique. Et tout de suite, on enchaîne avec un autre DJ qui nous a fait le plaisir de passer dans cette émission spéciale. C'est Jérôme B que tu retrouves le week-end, le samedi soir, entre 23h et 1h pour Party House. Jérôme B, il est en direct tout de suite au Platine de Galaxy. C'est parti, Connie. Tu lances le top horaire. Connie, on y va.